jeunesse en péril, faudrait se taire. Nos paroles en exil, des propos sans limite à son vitesse. C'est dur une vitesse, V-G-D-O-R-I-C-E-S. Jeunesse en péril, notre vie tient que sur un fil. Je pense à tous mes refrains comme moi mis en retrait. Pourtant nous les jeunes faut juste nous parler vrai. C'est V-Y-D-O-R-I-C-E-U-S. En péril et notre jeunesse dans nos têtes. Ça fait mal, on est tous contre front national. Mais on s'accroche pour pas que ça finisse sous une rafale de balles. La jeunesse en péril, car trop de keufs déguisés en civil. Trop de mes rêves pour s'en sortir, chill. On pourrait croire que c'est facile, mais notre seul moyen de survie ne tient qu'à un fil. La jeunesse en péril, faudrait se taire. Nos paroles en exil, mais faut pas se laisser faire ou se faire traîner devant Lucifer pour avoir viscère ayant clé en galère. L'air qui nous entoure est malsain. Je sais que c'est pas sain de traîner en bas des tours, mais tour à tour dans nos têtes, ça tourne dans nos têtes, ça tourne au carrefour de la sagesse. L'argent met en péril notre jeunesse. Nos choix nous mènent tout droit à la facilité, sans faire preuve de civilité. Dis le bras qui voulait, c'est faire preuve de débilité. Notre vie est hantée, ils nous promettent des choses, on fait que de patienter. Ils nous prennent pour des abrutis. T'inquiète, on sait très bien que de leur but on n'en fait pas partie. Laisse tomber, on se débrouille très bien tout seul pour pas finir dans un cercueil. Fais attention à tes arrières, car le futur, ce qui te réserve, on le sait guère. C'est V-Y-D-O-R-I-C. Seulement en écoutant sagement le gouvernement, on s'aperçoit qu'il ne conçoit pas de nous aider, plutôt nous enfoncer. Les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Allez malmener aujourd'hui, que deviendra demain la jeunesse en péril? Nos vies se barrent en vrille, beaucoup seuls ne voient même pas que le soleil brille. Placés en détention par des hauts placés, avides de pouvoir, qui ne peuvent pas voir que la jeunesse est en détresse devant tant de promesses. Au micro V-Y-T-O-R-I-C-E-U-S, en péril notre jeunesse. Alors je dégaine ma haine parce que ça me gêne. La haine coule dans mes veines, la peine coule dans mes gènes. Ouais, la peine coule dans mes gènes, mais on va pas se tailler les veines. Ils nous enchaînent, ils nous empêchent de respirer l'air libre. J'ai une envie de m'évader sur une île pour préparer de nouvelles choses subtiles pour éviter la jeunesse en péril. Mon frère, la jeunesse en péril, faudrait se taire. Nos paroles en exil, des propos sans limitation de vitesse. C'est dur une vitesse, V-Y-D-O-R-I-C-E-S.